Bonjour François Morel. Bonjour. Là-bas, regarde bien si proche et si lointaine cette lueur qui apparaît. Regarde bien là-bas, à l'horizon, cette clarté dans l'obscurité, cet éclat dans la noirceur, cette lumière dans l'opacité. Oui, regarde bien comment en France renaît l'espoir. Observe combien le courage est payant. Remarque comment la détermination peut apporter les fruits du renouveau. Parmi le marasme des nouvelles anxiogènes et désespérantes, vois ce rayon de confiance et de foi qui tout d'un coup surgit et va sur chacun se poser afin d'apporter le réchauffant confort de la consolation. On la croyait malade, cette société sans perspective, on la craignait exsangue, anémique, à bout de souffle. Mais voici que l'espérance renaît à La Rochefoucauld, dans le pays d'Orthe et Tardoire, puisque la Charentaise de Charente n'est pas morte, puisque la Charentaise de Charente va revivre. Non, je ne parle pas de l'avenir de Ségolène Royal, je parle des chaussons que Madame Royal, prochainement convoquée par deux députés UDI LREM, au sujet de son rôle d'ambassadrice des pôles, va enfin pouvoir enfiler. Je parle des chaussons, pas des deux députés UDI LREM. La Charentaise de Charente n'est pas morte, la Charentaise de Charente va revivre. Un mois après la liquidation judiciaire de la société La Manufacture Charentaise, deux anciens cadres, Michel Violo et Olivier Rondineau, petit-fils du fondateur, ont pris leur courage à quatre mains afin de perpétrer le savoir-faire traditionnel du cousu retourné. Gloire à Violo et Rondineau. Car le cousu retourné devrait être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. La Charentaise de Charente n'est pas morte, la Charentaise de Charente va revivre. Et demain, dès le mois de mars exactement, la première production de la nouvelle entreprise de La Rochefoucauld va sortir pile au moment où de nombreux candidats aux mairies de France, rejetés par les électeurs, pourraient enfin les enfiler. Je parle des Charentaises, pas des électeurs. La Charentaise de Charente n'est pas morte, la Charentaise de Charente va revivre et c'est une nouvelle merveilleuse pour tous ceux qui, le soir, après une journée de labeur ou de grève ou de négociation ou de manifestation ou de déplacement contraint à pied dans les rues de Paris, bouchonnés, surpeuplés, tendus, vont enfin pouvoir retirer leurs chaussures usées, fatiguées, salies et jouir de leur Charentaise, car la Charentaise de Charente réunit tous les contraires, rassemble tous les opposants, dépasse toutes les discordes et tous les désaccords. Chacun a besoin de réconfort. Chacun a besoin de la douce chaleur d'une paire de charentaises qui est symbole d'intimité, de sérénité, de lâcher prise, car la Charente de la Charenteuse dépasse tous les clivages, met tout le monde d'accord. Le soir, tous les anonymes favorables ou non à la réforme des retraites, tous les acteurs de cette séquence sociale que vit douloureusement notre pays. Le soir, Édouard Philippe et Philippe Martinez et Laurent Berger retirent comme un seul homme leur pompe épuisée pour laisser leurs doigts de pied se mouvoir librement dans la chaleur attendrissante d'une paire de charentaises. Et peut-être, tous les trois, les pieds à l'aise, un verre de whisky à la main vont pouvoir s'enfiler. Le verre de whisky, pas tous les trois. La Charentaise de Charente n'est pas morte. La Charentaise de Charente va revivre. Merci François Morel. Merci. On vous retrouve dimanche, François, dans le grand atelier de Vincent Jeuze. Ce sera à 15h.